Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Emballer, c'est peser. Les terroirs sont-ils nés sur les marchés? Approchez, approchez, messieurs, dames, il est beau, il est bon. Mon jambon de Mayence, perdrix de Nevers, pruneau de Tours, prune confite de Brignoles et dragée de Verdun, pain d'épices de Reims, abricot de Clermont, cerise de Montmorency, volaille du Mans, pâté d'Amiens, andouille de Vire, bien sûr, et le bon beurre d'Isigny. Faire son marché, c'est réviser sa géographie, mais vive le local. Bonjour, c'est automatique. Quelle belle journée! Ça sent bon le printemps! Eh oui! Ça sent. Lourd! Il est tout frais, mon poisson! Il frétille! Il est tout frais! Ça sent le poisson d'en face! Le poisson pas frais! Voilà ce que ça sent! Viens me le dire ici qu'il est pas frais! Ben oui, je viens! Mais me gêner! Et mon poids, il est frais, lui! Il est frais! Je prends toujours ça! Tu l'as vu, maman! Oh, une bagarre! Attendez-moi! Ah bah oui, on est là. Ne nous attendez pas. C'est un extrait d'Astérix. Bonjour Philippe Mézy. Bonjour. Quand nous réfléchissons à la manière de se nourrir, il y a bien sûr la consommation de ce qui est produit par nous-mêmes. Et puis il y a ce que l'on achète pendant longtemps, c'est le frais qui était important. On l'entend là avec le poisson. Oui, c'était un critère essentiel de la qualité des aliments et puis des besoins des populations. Et donc, il fallait aller chercher au plus près ce type de produits, poissons, viande. Et les autorités, notamment à l'époque moderne, prêtaient une grande attention à ce type de produits parce que, en cas de problème sur la qualité de viande avariée ou de poisson avarié, c'était les risques tout de suite de maladie. Au XVIIe, au XVIIIe siècle, où achète-t-on à manger? Il y a des marchés, bien sûr. Oui. Il y a quoi d'autre? Il y a des boutiques, déjà. Oui, on pense tout le temps, pour l'époque moderne, que c'est le marché, le lieu central d'approvisionnement. Ça le reste, évidemment. Et dans la plupart des bourgs du royaume, on va retrouver ces marchés avec des légumes, ces produits frais comme la viande. Mais il existe aussi de plus en plus de boutiques alimentaires qui vont vendre de la charcuterie, qui vont vendre du pain, les boulangeries, évidemment. Et ce maillage, évidemment, existe en ville, c'est une évidence, mais on se rend compte aujourd'hui que dans les petites villes, on a aussi ces boutiques-là. On va trouver des épiciers, par exemple, dans les campagnes, qui vont permettre d'accéder à des produits au XVIIIe siècle, comme le sucre, comme de la morue séchée, qui permettent évidemment d'élargir la gamme des aliments disponibles. Parce que, bien sûr, au moment d'aller acheter de la nourriture, on se dit, mais les paysans produisent eux-mêmes, mais enfin, moi, ils vont pas tuer une vache tous les dimanches. C'est pour ça aussi qu'il y a besoin de bouchers. On va retrouver tous les commerces que l'on a encore aujourd'hui, mais pour tout le monde, c'est pas parce que l'on produit soi-même qu'on n'a pas besoin d'aller acheter à côté. Le mythe de l'alimentation paysanne en autonomie, en autosubsistance, est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est remis en cause. Parce que les paysans du XVIIe et XVIIIe siècle, ils ont besoin d'argent pour payer les impôts. Donc ils ont besoin de vendre. Et donc en Normandie, ils vont vendre des volailles. Ailleurs, ça va être des fruits, etc. Pour acheter de la nourriture. Et finalement, ils produisent une partie de leur consommation, les céréales et autre chose, mais on remarque très souvent que leur consommation, par exemple, de poisson, bien c'est de la morue. C'est de la morue séchée, ça va être de la sardine salée dans les Landes, par exemple, au XVIIIe siècle. Donc ils recourent au marché, les paysans ne sont pas en dehors des circuits du marché. À partir de quel moment trouve-t-on une spécialisation régionale pour certains produits? Vous allez me répondre, depuis toujours. Alors, on a toujours des produits qui sont identifiés. On pourrait remonter au Moyen-Âge. Vous avez un texte, le Concile d'Apostole, qui fait référence aux perdrix de Nevers que vous évoquiez tout à l'heure. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à partir de la fin du XVIIe siècle, on a une multiplication de l'identification de produits à des lieux. origine, provenance, parfois simple identification imaginaire, mais on a cette association des produits, des régions qui devient de plus en plus importante, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de produits qui circulent. Et à partir du moment où entre celui qui produit et celui qui consomme, il y a une distance importante, eh bien, il y a besoin d'identifier et le lieu devient un outil d'identification. Et puis, il y a la réalité de la production. On connaît bien cette France du beurre et cette France de l'huile. Bon, ben voilà, c'est parce qu'il est beaucoup plus difficile de faire du beurre dans le sud que l'huile s'est imposée. Puis après, il y a la culture qui se met dans cette histoire-là. Philippe Mézy, donc, l'idée d'une géographie des productions, ça, c'est aussi lié culture et réalité du terrain. On est bien dans ce mélange, cette construction finalement qui est une construction à la fois économique, mais aussi, comme vous le dites à juste titre, culturelle. C'est-à-dire que il va y avoir des conditions de production qui vont permettre effectivement de produire du beurre en Normandie ou de faire de l'huile en Provence, mais ça répond aussi à des besoins de consommation. Si on pense à l'huile de Provence et à sa reconnaissance, c'est aussi, ne l'oublions pas, que pendant les périodes de carême, il faut utiliser de l'huile et que les élites parisiennes vont être très friandes de ce type de production, qu'elles ont les moyens de faire venir de Provence sans aucun problème. Et ça conduit à l'émergence de la réputation de l'huile d'Aix, par exemple. Donc, c'est vraiment ce type de cas de figure montre que c'est vraiment un mélange. Et je suis convaincu qu'on a cette convergence-là, tout à fait essentielle pour comprendre cette géographie gourmande, finalement, de la France. L'unique et le véritable, réputation, origine et marchés alimentaires de la fin du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, publié chez Champvallon. C'est votre ouvrage, Philippe Mézy. Votre histoire, c'est aussi une histoire des transports, en fait. Oui, la question du transport est tout à fait essentielle parce que c'est ce que j'appelle des produits qui voyagent. Tous ceux que vous avez cités, que ce soit l'huile d'olive, les perdrix, les pâtés, sont des produits qui sont des produits de conserve. Au sens, ils ont une capacité à se conserver et donc à voyager et à utiliser tous les réseaux de transport qui existent. Et on le voit très bien, ces produits voyagent en petite quantité généralement, mais s'appuient sur les réseaux qui existent déjà, utilisant la voie d'eau, le long de la Garonne par exemple, entre Toulouse et Bordeaux. Il y a parfois des naufrages qui permettent de saisir ces produits et on va retrouver du roquefort par exemple à l'eau, tombé des navires. On va retrouver de l'huile qui vient de Provence, qui transite par Toulouse vers Bordeaux. Donc on utilise la Garonne et puis c'est aussi des transports à l'échelle internationale ou du port de Rouen, par exemple, vont partir des confitures de Rouen qui sont très très réputées, vers toute l'Europe, comme de Bordeaux, partent vers les Antilles, des cuisses d'oie de Gascogne ou des pâtés de Périgueux, s'appuyant sur les réseaux de transport qui existent, ceux du vin en particulier. Un changement d'échelle, hein, parce que, bien sûr, l'histoire du commerce international, des épices notamment, fascine, mais alors, en changeant d'échelle, c'est tout aussi fascinant, ça voyage, mais de tous les côtés, ces produits alimentaires. Oui, on est surpris, hein, et c'est vrai que lorsque j'ai rédigé cet ouvrage, hein, cet aspect-là de circulation internationale de ces denrées qu'on va retrouver aux quatre coins de l'Europe est vraiment tout à fait intéressant. On va retrouver des pâtés de Périgueux, donc qui sont des pâtés de perdrix aux truffes, qui se conservent parce qu'ils sont dans de la Grèce. On va les retrouver à Saint-Pétersbourg, on va les retrouver à Bruxelles, on va les retrouver à Dublin. Et dans les journaux d'annonce, par exemple, de Dublin à la fin du XVIIIe siècle, vous avez une longue liste qui vont mentionner, alors c'est valable aussi pour l'Italie, les saucisses de Bologne, qui vont mentionner les pâtés de Périgueux, l'huile d'Aix ou le miel de Narbonne. Vous donnez beaucoup de noms de villes. On entend avec ces associations, ce sont des noms de villes, toujours des villes. Pourquoi des villes ? Parce que, par définition, la production ne se fait pas dans la ville. Oui, tout à fait. C'est cette idée que la localisation, c'est l'identification à la place de commerce. Contrairement peut-être à aujourd'hui, on a un imaginaire de l'authenticité des campagnes, etc. En réalité, à ce moment-là, ce qui compte, c'est le lieu où on met en circulation. Je peux prendre l'exemple du jambon de Bayonne. Voilà, c'est identifié à la ville de Bayonne. Les jambons sont faits dans la vallée de la Dour, dans le Béarn, etc. On a ce système-là. Idem pour les marrons de Lyon. Ils ne sont pas produits à Lyon, mais en Ardèche, mais mis en commerce par des marchands dans ces villes de commerce. Et donc, on a cette identification. L'identification à des provinces est plus rare. Fonctionne, par exemple, pour la Provence. Fonctionne pour le Périgord. Parce qu'il faut penser que c'est le regard de Paris, en fait. Sur la province. Et là, on a tout un imaginaire autour de la Provence qui renvoie déjà un petit peu porte d'entrée de l'Italie. On a cet imaginaire-là, mais on est sinon très clairement dans des identifications urbaines parce que beaucoup de ces produits sont quand même des produits transformés par des artisans, des marchands artisans qu'on retrouve en ville. C'est la même chose pour le vin. Hein. Philippe Mézy, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université Bordeaux-Montaigne. Ben, Bordeaux, oui, c'est pas à Bordeaux que l'on va trouver les vignobles. Oui, c'est la même chose. L'identification se fait au port de Bordeaux et cette circulation se fait de cette manière-là, par le port. De la même manière, pour un exemple qui est très parlant, ce sont les prunes. Les prunes qui sont produites dans la vallée de la Garonne, dans la région de Montauban ou Agen, au XVIIIe siècle, s'appellent prunes de Bordeaux et sont identifiées comme prunes de Bordeaux. Il faudra attendre le XIXe siècle et la ligne de chemin de fer Agen-Paris pour qu'on parle de pruneaux d'Agen. C'est formidable, hein, cette histoire-là, parce que c'est des choses que l'on connaît. Donc, on va faire nos courses, on a toute notre histoire et toute notre culture. Et puis, bien creuser, ça nous permet de voir cette évolution. Et à ce moment-là de l'émission, je suis sûr que Philippe Mézy, vous avez envie de me demander, et votre sœur? Alors moi, je vais vous répondre, bon, bah, évidemment, Hebe Albert, mais avec Fabrice Poncet. Bonjour. Bonjour Xavier Meduit. Spécialiste du beurre. Mais le beurre d'Isigny, dans cette histoire que l'on met en place, à quel moment le beurre d'Isigny apparaît comme étant un beurre particulier? Alors, d'après nos sources, hein, la première source qui donne vraiment une indication de qualité ou de recherche, c'est au XVIe siècle. En 1588, il y a un Normand qui s'appelle Charles de Bourgueville qui publie un ouvrage dans lequel il évoque les beurres de la vicomté de Bayeux, et Isigny se trouve dans la vicomté de Bayeux, qui procède parmi les meilleurs beurres de France et qu'on retrouve déjà à Paris, Blois, Orléans, Tours. Alors, il y a peut-être une sorte de fierté un peu mal placée de ce Normand qui glorifie ses beurres, mais effectivement, là, il y a une vraie réputation déjà qui commence à émerger. Mais on parle de beurre de la vicomté de Bayeux. La mention de beurre d'Isigny est plus tardive. Elle est au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ah oui, XVIe siècle. Alors écoutez, document d'archives qui va peut-être remettre complètement en cause votre étude sur les beurres d'Isigny aux origines du Normandie laitière. C'est dans le cadre des mystères et énigmes de l'histoire de France qu'il convient de placer la drôle d'aventure survenue à M. Joseph, paisible citoyen d'Isigny. Vous voyez une reconstitution de l'affaire. En bêchant son jardin, M. Joseph découvre tout à coup une espèce de pot recouvert d'un sac. Complètement affolé, craignant une macabre découverte, il se précipite à l'auberge voisine pour avertir quelqu'un. Et tout d'abord, les personnes présentes croient que le soleil a dû taper fort cet après-midi-là au jardin, mais la curiosité aidant, tout le monde suit le jardinier sur les lieux. Ensemble, on dégage l'objet. On ouvre ce qui est effectivement un grand pot et apparaît une matière blanche ou jaune qui ressemble comme deux gouttes de lait à du beurre. En effet, c'est bien de beurre qu'il s'agit et même de très bon beurre. Surprise générale, quelqu'un dit que c'est peut-être sérieux, qu'il faut absolument découvrir les origines de ce mystère. Tout d'abord, faire analyser le contenu de ce pot. Une éminente spécialiste se penche sur le problème et sur un échantillon du beurre. L'analyse fait apparaître que les taches figurant sur la tapisserie de Bayeux proviennent de ce pot. Ce beurre est donc vieux de près de 900 ans. Sa présence dans ce jardin reste inexpliquée. Un beurre de 900 ans à Isigny qui a taché la tapisserie de Bayeux. C'est dans Normandie Actualité le 1er avril 1965. Poisson d'avril, évidemment. Alors, ce beurre d'Isigny, bien sûr, il n'est pas si vieux, mais si, il est si vieux, parce que le beurre, on peut le faire partout, il suffit d'avoir du lait et de la crème, et puis de battre. Pourquoi le beurre d'Isigny se distingue-t-il des autres ? Alors, ce beurre d'Isigny, en fait, c'est dans le regard ou dans les goûts des Parisiens, finalement, puisque Isigny, c'est d'abord un centre de production de beurre de longue conservation. Donc, c'est du beurre salé, mais pas salé tel qu'on l'entend à l'heure actuelle, puisque le beurre salé, à l'heure actuelle, c'est aux alentours de 3% de sel. Là, on a un beurre qui est salé entre 10 et 15% de sel. Donc, c'est un beurre de longue conservation, notamment pour la marine. Et ce beurre de longue conservation, ça peut être aussi du beurre qui est fondu et du beurre clarifié, hein, qui là aussi permet de le conserver plusieurs années. Là où la qualité du beurre d'Isigny se constitue une réputation, c'est plutôt sur le beurre frais. Et ce beurre frais, c'est surtout à partir du XVIIe siècle qu'il va être expédié vers Paris, notamment sur le carreau de la Halle, pour les marchands fruitiers orangers. Et lorsque l'on regarde la cotation des cours des beurres, on a deux beurres normands qui tiennent ce qu'on appelle à l'époque la tête du beurre. Ce sont les beurres d'Isigny et les beurres de Gournay. Alors parmi les qualités qu'on lui prête, Grimaud de la Reynière en 1803 évoque son goût de noisette. Il y a également beaucoup de préoccupations dans les correspondances entre les marchands fruitiers orangers qui passent commande aux marchands commissionnaires d'Isigny. Il y a beaucoup de soucis sur la couleur. Et donc la couleur jaune est une couleur qui est particulièrement recherchée. La texture aussi qui est importante aux yeux de ces marchands. Et tout ceci, eh bien, c'est au croisement de plusieurs éléments. Ce sont des éléments du milieu. C'est vrai qu'il y a des marées, c'est vrai qu'il y a un climat océanique qui peut être favorable, même si on est à l'époque du petit âge glaciaire, donc il faudrait un peu relativiser cela. C'est vrai qu'il y a des salines. Plus déterminant, sans doute, c'est une certaine proximité de Paris, c'est l'insertion de la Normandie dans les réseaux de commercialisation, et puis c'est aussi les réseaux de transport. Isigny est un port, Isigny, et passe par Isigny aussi le grand axe entre Cherbourg et Paris au XVIIIe siècle, et donc tout ceci facilite aussi l'acheminement d'un produit qui est éminemment périssable, et beaucoup plus périssable que le beurre actuel. On a là un produit qui se dégrade assez facilement, et qu'il faut amener rapidement vers les consommateurs. Ah oui, c'est plus proche que la Bretagne. La Bretagne qui produit beaucoup de beurre aussi. Tout à fait. Et la Bretagne qui est en partie, fournissait davantage Paris au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, et qui petit à petit, eh bien, se fait distancer par les beurres normands. Cette histoire des transports, c'est une histoire de la conservation, parce que ce n'est pas tout de pouvoir transporter, Philippe Mézy, des produits, on le voit bien, hein, la crème transportée avec un char à bœuf, elle va tourner. Hein. Les jambons, on l'entend, ils sont fumés, ils peuvent être transportés. C'est ça aussi, cette histoire de l'identification régionale, c'est pouvoir avoir des choses qui se gardent. Oui, c'est vraiment à deux niveaux tout à fait essentiels. Il y a la question du transport et donc de la capacité à voyager et à se conserver. Et la plupart des produits qu'on va identifier à un lieu, hein, ces réputations territorialisées, eh bien portent sur des salaisons, portent sur des fruits, mais il s'agit bien de fruits séchés, confits, etc. Portent sur des pâtés, pâtisserie, mais au sens donc de l'époque moderne, c'est-à-dire plutôt des pâtés en croûte où à l'intérieur il y a beaucoup de graisse, hein, c'est quasiment un produit confit à l'intérieur qui supporte le voyage, les vins évidemment, mais finalement très peu de produits frais, hein, il y a quelques exceptions comme le beurre d'Isigny, mais c'est plutôt rare. Donc il y a cet aspect capacité à voyager, parce qu'il ne faut pas oublier que par exemple pour les pâtés de Toulouse, hein, qui sont des pâtés de foie gras à la fin du XVIIIe siècle, il faut parfois 15 jours pour aller jusqu'à Paris. Donc il faut vraiment que ça puisse se conserver. La deuxième raison pour laquelle la conservation est importante, c'est que ce sont aussi des produits qui sont offerts, souvent. Ils sont offerts à des personnes comme cadeau. C'est vraiment, il y a une sociabilité autour de ça. Et donc, il faut que vous puissiez offrir quelque chose qui pourra être servi un petit peu plus tard, qui peut se garder. Vraiment, on est sur du produit de garde. On pourrait les qualifier de cette manière-là. Et donc, c'est vraiment très très important. Et puis pour la conservation, ça a des incidences techniques sur les emballages, par exemple. Et donc, ces produits réputés sont vraiment à la pointe de ce qui se fait techniquement pour l'époque, hein, on est bien d'accord. En termes d'emballage, on va utiliser par exemple des terrines vernissées pour les pâtés, pour améliorer leur conservation. On va être très attentif au moment de la phase du transport à la conservation. On va mettre des toiles cirées pour recouvrir les produits pour faire face aux intempéries. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel, même si parfois il y a des aléas où vous allez avoir des truffes qui sont transportées avec du fromage et le fromage étant mal emballé va couler sur les truffes et va gâter les truffes au moment du transport. Mais à l'inverse, les truffes vont magnifier le fromage. Oui, bien sûr, voilà. Une belle association. C'est une belle association. Le beurre d'Isigny se transporte de quelle manière ? Alors le beurre d'Isigny, pour le beurre de longue conservation, il se transporte surtout par voie de mer, puisque là, la question de la conservation ou du caractère périssable se pose moins. Il peut aussi se transporter par voie de terre, notamment à certains moments de l'année, lorsqu'on a des besoins à honorer rapidement. En ce qui concerne le beurre frais, il n'y a pas le choix, c'est uniquement par voie de terre. Les marchands commissionnaires ont recours à des voituriers, et ces voituriers font une fois par semaine le trajet entre Paris et Isigny. Et alors la durée des trajets, c'est entre 6 et 8 jours. Donc, évidemment, ça n'est pas au mois d'août que l'on peut faire ça. Et donc, la période d'expédition, ça va du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril-mai. Et en revanche, certains marchands commissionnaires essayent d'optimiser la circulation. Un marchand qui s'appelle Michel Marie, dans les années 1780, organise un fractionnement du parcours entre plusieurs voituriers afin de pouvoir être beaucoup plus efficace. Et il arrive à obtenir des transports en 4 jours. Ah oui, c'est rapide. C'est ça. Et donc le beurre, il faut l'imaginer, déjà ce sont des modes de beurre qui font peut-être 50 kilos ou davantage. Donc c'est pas la mode de beurre de chez la crémière. Hein. Ces modes de beurre, déjà, donc elles protègent le cœur du beurre par rapport au milieu ambiant. Ensuite, elles sont conditionnées dans des toiles. Puis elles sont mises dans des paniers où on a de la paille qui est un bon isolant thermique. Et donc tout ceci protège des intempéries, protège aussi des températures. Et donc on a là un beurre qui arrive relativement préservé. Ça veut dire qu'il y a toute une économie autour. Là, les paniers, il faut bien les tresser. Exactement. Donc, on a des vanniers, on a des potiers pour le beurre de longue conservation, on a des tinotiers donc, qui fabriquent des barils en bois. Et puis, il y a toute une série de barils. Il y a des frequins, dont la consonance rappelle les barils en bois irlandais, qu'on appelle des firkins. Et on a également des sauniers, évidemment, et des saleurs. Les sauniers donc fabriquent le sel, les saleurs ensuite l'amalgame au beurre pour obtenir ce beurre de longue conservation. Donc il y a toute une économie effectivement autour du beurre. Aujourd'hui, quand on évoque ces produits du terroir, il y a quelque chose qui nous ramène à une antiquité lointaine, quelque chose de merveilleux sur ces produits qui viennent d'un autre âge. Philippe Mézy, à vous écouter l'un et l'autre, je me rends compte que non, en fait, là, tel qu'il pouvait être perçu à ce moment-là, c'est plein d'innovations. Oui, on est bien du côté du changement, on est bien du côté de la modernité pour bon nombre d'entre eux, et ça conduit vraiment à remettre en cause un petit peu cette image de tradition qui serait de tout temps. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Ils sont objets d'histoire parce qu'ils évoluent. Ils sont du côté de l'innovation en termes de production, et pour les produits laitiers que Fabrice connaît bien, eh bien pour les fromages par exemple, on va avoir beaucoup de textes qui mettent en avant au XVIIIe siècle. Alors des formes d'hygiène, de précautions qui sont prises, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux, avec des savoir-faire très poussés. C'est la même chose pour tout ce qui concerne l'arboriculture. On va avoir des innovations au niveau des pêches de Montreuil, où on va utiliser, on va construire des murs autour des pêchers pour que ça garde la chaleur, etc. Vous avez les prunes de Brignoles, vous avez tout un savoir-faire qui est mis en avant. Et c'est vraiment du côté de la modernité, c'est pas du tout des produits qui sont perçus au XVIIIe siècle du côté du passé. Au contraire, ils incarnent véritablement le changement, l'innovation et la spécialisation agricole dans les campagnes qui s'opèrent à ce moment-là pour certaines d'entre elles. Une histoire de la perception et puis une histoire du discours. Philippe Mézy, vous l'avez bien dit, hein, ces produits sont évoqués dans diverses publications. Il y a la narration de la manière dont ils sont préparés. Et puis, pour qu'ils s'imposent, il faut bien que quelqu'un, au pluriel, parle, on évoquait le beurre, du goût, de la couleur, de l'aspect. Tout ça, ça doit être décrit. C'est décrit, c'est expliqué. Oui, il y a tout un discours qui est porté autour de ces produits, un discours de valorisation qui prend de l'ampleur à partir de la fin du XVIIe siècle. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il se manifeste dans différents champs. On pourrait penser que du côté des marchands, on va le retrouver, et c'est le cas dans les dictionnaires de commerce comme Savary des Brûlons. On a toute une hiérarchisation qui s'opère des produits. Dans les correspondances des marchands, on va évoquer, comme le disait Fabrice, la qualité du beurre par sa couleur. On va évoquer la qualité des fruits qui doivent être très sucrés. On met souvent en avant surtout la capacité à se conserver. On retrouve ce critère-là. Donc dans le monde marchand et économique, je dirais de manière assez évidente, mais on va le retrouver dans le théâtre. On va le retrouver chez les médecins, on va le retrouver chez les spécialistes d'agronomie qui, chacun à leur manière, vont mettre en avant des qualités, au pluriel, vraiment très très variées, qui sont la couleur, qui peuvent être le goût éventuellement. Et puis, je dirais que tout ceci va être synthétisé au début du 19e siècle par l'Almanach des gourmands, par les premiers gastronomes du début du 19e siècle comme Grimaud de la Reynière, qui synthétise en fait le discours des experts, médecins, cuisiniers, etc. Et puis le discours commercial. On est vraiment dans cette convergence-là qui fait un petit peu la valorisation de ces produits d'origine. La naissance de la gastronomie au début du 19e siècle, ce serait pour vous en fait la conséquence d'un discours qui serait plutôt commercial en fait. Oui, le processus à mes yeux serait le suivant, c'est-à-dire qu'au 18e siècle, les marchands ont besoin de différencier les produits. Face à eux, ils ont une demande de connaisseurs, d'acheteurs éclairés qui appartiennent plutôt au monde des élites, hein, de l'aristocratie, de la noblesse ou du haut clergé. Et les gastronomes vont, au début du 19e siècle, finalement, commencer à imposer un discours de normes, commencer un petit peu à figer ces identifications, comme faire des classements, faire des cartes gastronomiques. On a la première carte gastronomique de la France en 1809. Et ça contribue à façonner ce qu'on pourrait appeler un panthéon gastronomique, c'est-à-dire qu'il y a une grande souplesse au XVIIIe siècle dans les définitions. Le jambon peut être de Bayonne, il peut être de Laontan, il peut être du Béarn, etc. Et petit à petit, et notamment avec les gastronomes, eh bien, on a la norme de l'expert, finalement, de celui qui sait, qui va figé, ça va être le jambon de Bayonne exclusivement, on va être dans ces dénominations-là. Donc La gastronomie, qui naît au début du 19e siècle, elle s'appuie finalement sur toute une construction antérieure. Elle vient finalement la figer un petit peu. Emballer, c'est peser. Les terroirs sont-ils nés sur les marchés ? Sont bonnes tes gaufres. C'est des gaufres du Nord. J'ai fait des milliers de kilomètres pour en trouver. France Culture. C'est quoi ? C'est des spätzle. Je suis allée les chercher là-bas, en Alsace. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Qui a vraiment une grande bouche, pareil. Eh oui. Vraiment. Fabrice Poncet, sur cette histoire du beurre d'Isigny, alors là, la question qui se pose, c'est est-ce cher ? Parce que dans cette volonté du choix pour de la distinction sociale, il y a de l'argent à mettre derrière. C'est cher le beurre d'Isigny ? Alors, sur le carreau de la Halle à Paris, le beurre d'Isigny, déjà, n'est pas coté toute l'année, compte tenu des contraintes que j'ai évoquées. Mais lorsqu'il est coté, comme le beurre de Gournay, il est entre 20 et 25 sous. Les autres beurres sur les mêmes semaines sont entre 15 et 20 sous. Donc il y a un écart qui est assez conséquent et qui est aussi un signe de cette réputation et de cette qualité. Et ça a une incidence sur la région, j'imagine, parce que quand ça rapporte, on se met à faire cette production-là. Effectivement, et du point de vue de la production, on a un certain nombre de précautions, comme le rappelait Philippe tout à l'heure sur d'autres produits, notamment sur les produits laitiers. On a des mentions, alors à Gournay ou à Isigny, du fait que lorsque les servantes rentrent dans la laiterie, c'est-à-dire la pièce où on fabrique le beurre, elles changent de chaussures. Lorsque l'on a utilisé les ustensiles, ces ustensiles, ils sont lavés à l'eau chaude et ils sont frottés avec des orties. Ce qui rappelle un peu encore des paysans, moi, lorsque j'étais enfant et qui frottaient leur bidon à lait avec les orties. Hein. Il y a de l'acide formique. On n'appelle pas ça encore quelque chose d'antiseptique, mais c'est bien cette propriété-là. Et puis, du point de vue des éleveurs également, hein, on a vraiment une adaptation. Le défi d'Isigny, finalement, c'est de produire davantage pour les mois d'hiver où on peut transporter le beurre frais. Et on a plusieurs mentions et qui se vérifie aussi dans les inventaires après décès sur le fait que les paysans parviennent à décaler le cycle de lactation des vaches afin de produire davantage en hiver et de pouvoir envoyer du beurre frais à Paris. C'est à la fois pour les mois froids et c'est aussi par rapport au calendrier religieux où le beurre est une graisse de substitution par rapport aux autres graisses animales qui sont interdites. Et pour le carême, notamment, hein, c'est un temps fort du calendrier d'Isigny. Ça demande un savoir, mais gigantesque, pouvoir modifier le cycle de lactation d'une vache. C'est quelque chose d'énorme. Philippe Mézi, tous ces produits valent cher. Ouais. Oui, on a vraiment des stratégies de valorisation commerciale qui permettent d'avoir cette gamme de prix. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une hiérarchisation des prix. Sur le même produit, on peut avoir des produits qui coûtent très cher, qui sont vendus très cher. Je pense au fromage de Roquefort. Vous avez les fromages les plus secs, ceux qui voyagent le mieux, qui sont vraiment de meilleure qualité, qui sont vendus relativement cher, expédiés à Paris. En revanche, vous allez retrouver à Toulouse ou à Montpellier des miettes de fromage de Roquefort qui sont vendues à un prix beaucoup plus bas et là beaucoup plus accessible. Donc on a cette grande diversité qui permet à certains de ces produits finalement de toucher une autre clientèle que simplement les élites. Pour d'autres, on a vraiment le produit de luxe par excellence. Les pâtés de Périgueux peuvent coûter 30, 40 livres, c'est-à-dire plusieurs journées de travail d'un artisan et là ne sont réservés qu'à une clientèle vraiment, vraiment aisée. Et d'autre part, c'est vrai que lorsqu'on regarde les ventes sur le marché de Gournay par exemple, dans les années 1780, il y a 6 ou 7 gammes de prix. Et ces prix, ils reflètent aussi les exploitations. Dans les exploitations, on a des petites ou des grandes exploitations. Et il faut bien savoir qu'à l'époque, le beurre était fabriqué dans la ferme. Et donc, on a des fermes où le soin est plus ou moins important, où les vaches sont de plus ou moins bonne qualité. Et tout ceci se répercute aussi sur la qualité des produits. Et par conséquent, on est assez éloigné de notre notion d'appellation d'origine contrôlée, avec un cahier des charges strict et qui donne une plus grande homogénéité aux produits. Parce que ces produits-là ont un lien avec la spécificité des régions. On voit bien que c'est une construction qui va de pair avec des identités régionales. Parce que Philippe Mézi, la question qui revient toujours, c'est cette histoire d'œuf et de poule. Est-ce que c'est la région qui va mettre en avant son produit, par exemple le Roquefort, ou est-ce que c'est au lieu de réception où l'on veut du Roquefort et où l'on fait du Roquefort un fromage particulier ? On est bien dans les processus finalement d'interaction qui façonnent les identités, c'est-à-dire un va-et-vient entre le regard de l'autre et la façon dont on se perçoit. Donc ça veut dire que très clairement au niveau local, on choisit de mettre en avant un certain nombre de productions, mais des productions dont on sait qu'elles vont répondre aux attentes de consommateurs. les fromages, c'est un certain type de fromage qu'on expédie parce que ça correspond au goût. Mais ça ne veut pas dire que ça reflète la réalité des consommations locales ou de ce que sont les produits les plus identitaires. J'ai eu l'occasion de beaucoup travailler sur le sud-ouest de la France. L'ail est quelque chose de très important. Le maïs est quelque chose de très important. Mais on n'envoie pas de l'ail à des aristocrates parisiens. Ce n'est pas dans leur culture alimentaire. En revanche, on va envoyer des cuisses d'oie qui vont finalement changer de statut en quittant le sud-ouest, en quittant la Gascogne. Une fois arrivées à Paris, elles deviennent un produit qui est valorisé, qui correspond tout à fait au goût et aux attentes des consommateurs connaisseurs parisiens. La table du sud-ouest et l'émergence des cuisines régionales. C'est un ouvrage que vous avez écrit, Philippe Mézy, avec là aussi du confit. C'est toujours cette idée de conservation et de produits, mais qui reste encore comme étant exceptionnel. L'idée est qu'il y a un produit, mais qui se décline de plein de manières. Le fromage, on peut avoir du roquefort, plein d'autres fromages, on peut avoir du confit, mais plein d'autres formes de confit. Celui-là doit se distinguer. Oui, là, on a un savoir-faire, finalement, qui est mis en avant, qui appartient bien, effectivement, à cette culture alimentaire du Sud-Ouest, hein, l'art de la conservation dans la graisse, hein, qui va porter sur les viandes, qui va porter sur les truffes, hein, peuvent être aussi conservées dans la graisse. C'est une méthode qui est très employée, qui est employée à la fois dans l'alimentation paysanne, c'est ça qui est intéressant, et qui va servir, finalement, de support à ces produits qui vont vers les consommateurs. Hein. On entendait tout à l'heure dans l'extrait des consommateurs qui allaient vers les produits. Là, on est vraiment dans une période où ce sont les produits qui vont vers les consommateurs. On est dans le 18e siècle, dans ce mode de fonctionnement-là. Et l'art du confit est vraiment quelque chose de très important et renvoie finalement à une identité locale parce qu'il y a une appropriation très forte des populations par rapport à ça. C'est le cas aussi à Isigny, hein, Fabrice Poncet. Il y a cette fierté, mais qui dure aujourd'hui encore et qui est complètement légitime sur le produit de qualité. Tout à fait. Alors, dans les discours que j'ai pu consulter de cette époque, on a notamment dans les années 1780 un projet de réforme de la taxation sur le commerce du beurre. Et là, on a à la fois des éleveurs et également des marchands commissionnaires qui font une longue pétition dans laquelle ils montrent à quel point leur savoir-faire est important, à la fois en matière d'élevage et en matière de production, afin de plaider leur cause. Et ils sont contredits par le subdélégué de la généralité de Rouen, qui est à Gournay, et qui prétend, lui, que c'est bien Gournay qui possède le savoir-faire le plus efficient. Voilà, la rivalité entre Isigny et Gournay, Gournay-en-Bray, hein, c'est ça. Bien ça. On est là dans l'actuelle Seine-Maritime, hein, dans le pays de Bray, et on est sur à la fois une rivalité et aussi une complémentarité par rapport au marché parisien, puisque Isigny, finalement, complète les arrivages de Gournay. Pour faire du beurre, il faut de la crème. Pour faire de la crème, il faut du lait. Et dans quoi mettre le lait ? Ben, dans un pot, bien sûr. Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un sang d'œuf, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-il, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était quand je l'eus de grosseur raisonnable, j'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette là-dessus saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu veau, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens, quittant d'un œil mari sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait, on l'appela le pot au lait. La laitière et le pot au lait. La fable de Jean de La Fontaine, lue par Jean Topard dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Alexandre Manzanares et Sam Bakiast, avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon, le cours de l'histoire qui se pose la question de savoir si les terroirs seraient nés sur les marchés. Philippe Mézy, est-ce que tous ces produits que nous évoquons depuis tout à l'heure, ces produits qui sont liés à un lieu de production particulier, sont mises en avant sur les marchés. Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt vendus dans des lieux d'exception? Vous avez dit qu'il y avait déjà des boutiques. Oui, la plupart d'entre eux, menus denrées de conserve, hein, vont être mis en vente par des marchands dans des boutiques. Ça va être un premier moyen de vente. Donc on va les retrouver chez des marchands épiciers, on va les retrouver chez des charcutiers, on va les retrouver chez des confiseurs aussi, hein, puisqu'il y a beaucoup de confiseries, de pâtes de fruits, hein, des confitures sèches à l'époque qui sont mises en avant de Rouen, de Clermont ou d'autres endroits. Donc on a ces marchands fabricants, ces intermédiaires commerciaux. Et puis on a aussi de la vente directe, de la vente par correspondance qui se fait, qui montre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la modernité de ces circuits commerciaux. Et on a des systèmes de dépôt-vente qui existent. Les pâtissiers de Périgueux entretiennent des relations commerciales avec des hôteliers, par exemple à Bordeaux, qui mettent en vente leur pâté de perdrix sur la place bordelaise par un système de dépôt-vente avec la messagerie qui les emmène une fois par semaine vers Bordeaux, qui sont vendus de cette manière-là. Donc on a aussi, et ça c'est une nouveauté très importante dans les années 1770-1780, l'apparition de boutiques spécialisées, cette fois-ci, que sont les magasins de comestibles. C'est vraiment une nouveauté dans le secteur du commerce et de l'alimentation, qui s'apparente presque à des boutiques de luxe dans leur organisation. On va les retrouver à Paris, au Palais Royal, on va les retrouver rue Saint-Honoré. Et là, on va retrouver tous les produits dont on parle depuis le début de l'émission. Des pâtés, des volailles truffées, des confiseries, et qui sont vendus avec vraiment une mise en scène, comme dans une boutique de luxe, et vraiment destinée à une clientèle très aisée. Et on a un approvisionnement qui se fait directement auprès des territoires concernés. On retrouverait l'équivalent à Londres. On a des Italian Warehouse, qui sont des boutiques du même type à Londres, qui vendent des produits italiens, mais dans lesquels on retrouve du jambon de Bayonne, des truffes du Périgord ou de l'huile de Provence. Donc on a vraiment, je dirais que ce commerce-là, des produits d'origine, participe à cette transformation qui s'initie à la fin du XVIIIe siècle, du monde du petit commerce, du monde de la boutique, où, eh bien voilà, là encore, on a le marché pour les produits ordinaires, le lieu de marché, et puis on a ces boutiques spécialisées, évidemment, pour un commerce alimentaire de luxe. Et dans ces circuits commerciaux, il y a aussi les foires. Elles sont toujours là, les foires. Est-ce que ces produits particuliers se retrouvent dans les grandes foires? On peut les retrouver. J'ai eu l'occasion d'observer des achats qui se font toujours aux foires de Beaucaire, hein, qui sont extrêmement importantes. Et aux foires de Beaucaire, certains marchands de Besançon, par exemple, marchands épiciers, vont se fournir directement pour acheter du miel de Narbonne sur ces foires. Et puis, vous avez des foires spécialisées. À Bordeaux, vous avez une foire au jambon au mois de mars, qui est très très importante, où des milliers de jambons venus du sud, du Béarn, de Bayonne, sont acheminés et vendus à ce moment-là, pour ensuite être expédiés par la voie maritime. Et dites donc, ça nous fait pas mal d'intermédiaires, cette histoire-là? Oui, c'est vraiment un commerce qui recourt à de bon nombre de marchands. Alors les commissionnaires, hein, dont parlait Fabrice, hein, les marchands épiciers, dont j'ai pu observer le rôle essentiel dans des places comme Bordeaux ou Lyon, qui sont vraiment des relais très très importants parce qu'ils entretiennent à travers des correspondances, des liens avec des fournisseurs, pour Lyon par exemple en Italie ou en Provence, et ils ont un rôle de sélection des marchandises qui est quand même très important et à souligner. C'est-à-dire que les marchands épiciers lyonnais, dans leur correspondance, vont s'intéresser à la récolte des olives pour savoir si la production d'olives sera de bonne qualité. Ils peuvent écrire des lettres à d'autres marchands dans des petites villes pour savoir si cette année il y a des truffes, ce genre de choses-là. Ensuite, ils sélectionnent, ils peuvent changer de fournisseur si ça ne répond pas à leurs attentes. Donc, ce n'est pas simplement des intermédiaires au sens ils assurent le transport, la transmission commerciale. Ils sont aussi des acteurs de la sélection. Ils ont un rôle de médiation sur la qualité qui est important à souligner, me semble-t-il. Oui, un rôle dont on ne peut se passer, mais qui a pour conséquence l'augmentation des prix. Oui, ici, on a une augmentation des prix, mais on est sur un marché, pour une partie d'entre eux, de ces produits, qui est plutôt un marché de luxe, où finalement, la question du prix entre assez peu en compte. On parlait du transport tout à l'heure. J'ai vu des envois de truffes où le transport représentait 80% de la valeur de la marchandise. Donc, c'était destiné à un aristocrate parisien, peu importe le prix. Ouais, c'est ça, un peu importe le prix. Et c'est pareil pour le beurre Disney, parce que cette histoire-là est une histoire sociale. Ça doit avoir des conséquences, d'ailleurs, si on va se placer à Isigny, en Normandie, là, de se dire que d'un seul coup, puisque le beurre Disney est réputé qu'il se vend et qu'il se vend cher, ben, certains en profitent, mais au bon sens du terme. Et c'est plus l'image du petit paysan qui fait son beurre pour la consommation personnelle. Tout à fait, il y a des conséquences sociales qui sont importantes. Du point de vue de l'agriculture, eh bien, on rentre dans une agriculture commerciale et dans laquelle il faut imaginer les espaces agricoles de la région dans lesquels il reste peut-être 10 à 20% de labour, de terre en labour, à une époque où la production céréalière est quand même très, très importante. Ces éleveurs, ils tiennent des registres de comptes. Ils sont attentifs à l'évolution des prix et ils modifient leur production par rapport à cette oscillation des prix. Et puis, à Isigny, dans une petite paroisse voisine, Haussmanville, on a ces marchands de beurre. Ces marchands de beurre qui vont au moins une fois l'an à Paris, qui sont hébergés par leurs clients, des marchands fruitiers orangers ou des épiciers, qui connaissent un peu les usages parisiens. Et aussi se distinguent dans cette petite société. Ils se distinguent par un certain niveau de consommation, dans leurs vêtements, leurs habitudes. Je pense à un marchand, notamment, qui, dans la pièce principale de son logis, a deux plans. Il a un plan une carte de France et puis un plan de Paris également. Et aussi par les informations qu'il possède et que n'ont pas les autres habitants d'Isigny. Énormément d'échanges, hein. On l'entend bien, notamment avec ces cartes gastronomiques, ces guides, ces plans, tout ça, ça se met en place peu à peu. Oui, on a vraiment ici, dans ce qu'évoquait Fabrice, hein, cette question du territoire, cette manière dont ces produits finalement créent des liens entre des espaces qui sont des espaces de production avec un impact économique, hein, que tu viens d'évoquer sur la production et avec ses résultats sociaux. Et ça met en lien tous ces territoires et avec des phénomènes de spécialisation qui sont des stratégies. Si vous êtes en Provence, vous n'allez pas produire des céréales pour les acheminer sur le marché parisien parce qu'il y aura la concurrence de la Beauce et le coût du transport est très élevé. Par contre, si vous produisez, comme c'est le cas à Brignoles, des prunes qui sont des prunes séchées destinées à un marché de luxe, qui sont envoyées dans des petites boîtes avec du coton pour les protéger, etc. Eh bien, finalement, c'est un produit à forte valeur ajoutée, donc qui supporte le coût du transport et ça a un impact sur le territoire où on a une spécialisation avec un savoir-faire notamment féminin sur la manière de dénoyauter ces prunes. Donc on voit comment des campagnes qui sont pourtant peuvent être éloignées, c'est notamment vrai pour les zones de montagne avec la production de fromage, on peut penser au Beaufortin par exemple, et bien comment ces territoires qu'on peut considérer comme en marge finalement ont des relations parfois très étroites avec les espaces urbains. Donc ça remodèle un petit peu notre perception aussi de l'économie et du territoire économique de la France du 18e siècle, où c'est pas forcément la proximité qui joue, c'est éventuellement des avantages comparatifs et des stratégies qui peuvent être mises en place. Et puis les discours, hein, on l'entend bien, hein, ces discours qui font qu'un produit est mis en avant plus qu'un autre. Ça, c'est important parce que la décision, bah, on sent qu'elle est au plus proche des élites, élites plutôt parisiennes, où on peut trouver des phénomènes qui se répartissent un peu partout sur le territoire. On va retrouver ces élites à Paris, on va les retrouver dans les grandes villes évidemment, mais aussi on peut les retrouver par exemple avec la noblesse en Périgord, vous avez une noblesse assez riche et importante hein, qui vit d'ailleurs entre la cour et Paris, qui va être consommatrice. Et on voit bien que le discours dont vous parliez est porté par les marchands à destination de cette clientèle. On a des stratégies commerciales, on parlait encore de modernité, vous avez des annonces commerciales hein, qui naissent dans les années 1770-1780, et dans ces annonce commerciale, eh bien on va retrouver beaucoup de ces produits, au même titre que des pièces d'orfèvrerie, et le discours il est le suivant, il est de dire, pour un marchand pâtissier par exemple, eh bien mes pâtés sont uniques, ils sont destinés à des gourmets, à des gens raffinés, donc on voit bien qu'on cible cette clientèle, et on va avoir des réponses à des demandes spécifiques, ou tel aristocrate, y compris dans une zone qui n'est pas forcément Paris, je pense au prince de Saxe, François-Xavier de Saxe, hein, qui a un château pas très loin de Troyes, eh bien, est très friand de pâtés de Périgueux. Il envoie des lettres directement au pâtissier de Périgueux pour passer commande de pâtés de Périgueux pour qu'il soit expédié. Donc là, on est sans intermédiaire, on est vraiment dans une relation directe, donc ça maille le territoire, et ces produits vont aussi vers des aristocrates ou des élites en Europe. Les diplomates en particulier sont très friands de ce type de produits et participent finalement à leur promotion. Là, on a l'idée de vitrine à l'international. On en parle beaucoup aujourd'hui hein, de cette gastronomie et de cette diplomatie. Ben, ça fonctionne déjà et ils vont acheminer, je pense à Dominique de Lesseps, hein, qui est un diplomate résident à Bruxelles dans les années 1760, originaire de Bayonne, qui fait venir par la franchise diplomatique, c'est-à-dire sans payer de taxes, de l'eau de vie d'Andaille, des jambons de Bayonne, des cuisses d'oie de Gascogne. Et il faut imaginer qu'il est fait connaître aussi à Bruxelles Et ça participe de leur réputation. Parce que parler d'élite parisienne et quand ça concerne l'aristocratie n'a pas grand sens. Parce que ces élites-là ont toujours des liens avec les régions. Donc vous dites, voilà, chacun il ramène son petit produit local aussi. Alors pour sa consommation personnelle et puis pour faire goûter aux autres. Oui, on est vraiment dans cette mécanique-là. Cette noblesse possessionnée en province qui vit à la cour mais a des terres, eh bien, va s'appuyer sur ces terres. C'est très vrai pour la noblesse du Périgord, où on va retrouver dans l'entourage, par exemple, du régent Philippe d'Orléans, eh bien, des familles de la noblesse du Périgord, comme la famille Taillefer de Barrière, eh bien, qui vont offrir aux régents des truffes qu'elles font venir du Périgord. Il y a une volonté aussi de montrer qu'on a des terres, qu'on est ancré dans la province, qui c'est aussi un synonyme de pouvoir. Et ces produits, eh bien, en les offrant et en les acheminant vers Paris, ça montre que vous êtes quelqu'un de puissant. Et en même temps, ça contribue évidemment à leur promotion. C'est pas la même chose, hein. Par contre, quand il s'agit d'offrir quelque chose, de pouvoir offrir des truffes de sa région et puis de venir d'une autre région où la spécialité, ce sont les tripes viroises à la mode de Caen. Ça fait, c'est délicieux, hein. Mais bon, c'est un peu moins prestigieux. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une spécialisation dans chaque région avec la volonté d'avoir une spécialité? Est-ce que tout ce qu'on connaît là date déjà de l'Ancien Régime, 17e, 18e siècle? Chaque région doit avoir sa spécialité. Alors, on n'a pas une volonté d'afficher une spécialité, surtout pas des spécialités culinaires au sens de plat. On est plutôt vraiment sur le produit dans ce sens-là. Et il y a une comparaison qui peut être intéressante à faire. C'est la comparaison qui peut être faite entre les cadeaux, je parlais de présents, qui sont faits par les villes du royaume, et ce qu'on connaît aussi aujourd'hui des appellations d'origine ou des spécialités. Et on remarque qu'il y a une certaine concordance. Au XVIIIe siècle, Montélimar va offrir du nougat à des ministres, à la famille royale. Bordeaux va offrir du vin. Toulouse va offrir des fromages de... ou Albi vont offrir des fromages de Roquefort. On a ce type de produit qui ressort et qui montre bien que se dessine déjà un petit peu cette carte des appellations d'origine. Et il y a une volonté, oui, de promouvoir ces productions. Et n'oublions pas qu'on a cet esprit mercantiliste aussi qui est très présent, et l'idée que la puissance de la France, du royaume de France, s'appuie sur la diversité, la richesse de ces territoires, de ces productions nationales qu'on veut mettre en avant. On est vraiment aussi dans cet univers mental-là. Oui, la diversité. On produit de tout en France. Allez, c'est fini l'instant tête de veau et n'oubliez pas, dans la vie, l'important, c'est l'appétit. Et l'appétit vient en mangeant. Fabrice Poncet, votre étude, les beurs d'Isigny aux origines d'une Normandie laitière, 17e, 19e siècle. Il y a ce moment particulier du chemin de fer. Parce que toute cette histoire est liée à une histoire des transports. Mais on l'entend bien, le beurre d'Isigny existe bien avant le chemin de fer et a déjà sa réputation avant. Le chemin de fer ne fait qu'accélérer le phénomène. Alors, le chemin de fer ne fait qu'accélérer le phénomène et d'une certaine manière dessert Isigny, puisque je reprends l'expression d'Armand Frémont qui avait fait sa thèse en géographie en 1967, l'élevage en Normandie, dans laquelle il parlait de pôle herbager. Et si on regarde la Normandie de l'Ancien Régime, on a trois petits espaces de spécialisation dont la superficie relativement modeste s'explique aussi à la fois par la dimension restreinte des consommateurs et également par les conditions de transport. Et donc il y a cet ensemble plein Bessin sur lequel j'ai travaillé. Il y a le pays d'Auge et puis il y a le pays de Bray. Et c'est vrai qu'avec le chemin de fer, mais aussi l'évolution de la consommation, et notamment de la consommation urbaine, eh bien ce modèle assez restreint d'un point de vue spatial va pouvoir s'élargir. Et on a là un couchage en herbe, une mise en herbe de la Normandie, qui va petit à petit aboutir à ce que la plupart des Français ont comme imaginaire de la Normandie, finalement le bocage avec ses herbages, ses vaches, ses pommiers, mais qui finalement a un ancrage historique qui n'est pas antérieur au XVIIe siècle. Et avec ces paysans qui regardent tranquillement l'herbe pousser. L'herbe pousser. Les vaches la manger, Philippe Dizy. Oui, ça induit aussi le chemin de fer, parfois une transformation même de la nature des produits. Les fromages de Roquefort au XVIIIe siècle, donc transportés par voie de terre, etc., sur des longs trajets, sont extrêmement secs pour pouvoir résister. Avec le chemin de fer et ensuite le développement du transport frigorifique à la fin du 19e siècle, eh bien on va se rapprocher de plus en plus des fromages de Roquefort qui sont ceux que l'on connaît. Et par exemple, la couleur change. Au 18e siècle, un très bon fromage de Roquefort, il est rouge. Parce que il est beaucoup plus avancé dans sa maturation, et on va de plus en plus vers quelque chose de plus tendre et vers le bleu que l'on connaît aujourd'hui. Fabrice Poncet. Et pour ce qui est de Gournay, finalement, le chemin de fer va contribuer à la disparition du centre de production beurrier, puisque la valorisation du lait, eh bien, on peut faire des fromages frais, on peut faire également du lait ou élever des veaux et les expédier directement sur Paris. Et donc, finalement, le chemin de fer va à la fois contribuer à la diffusion de ce modèle, mais affaiblir ces deux pôles premiers, ces deux pôles pionniers. Dans cette rivalité historique entre Isigny et Gournay, c'est Isigny qui a gagné. C'est Isigny qui a gagné. Isigny connaît des revers au 19e siècle, puisque sa réputation est usurpée. Des producteurs normands en dehors d'Isigny vendent pour beurre d'Isigny du beurre qui n'en est pas. Et puis ensuite, avec l'apparition des laiteries coopératives, à partir du début du 20e siècle, il va y avoir un travail qui est fait aussi sur la qualité, et Isigny va retourner en grâce. Si je peux m'exprimer ainsi. Dès qu'il y a des sous à se faire, il y a toujours des petits malins qui essayent de tricher. Philippe Mézi, c'est ça aussi, cette histoire de la notion de terroir, c'est de lutter contre les contrefaçons. Oui, on a vraiment ces concurrences, ces tentatives d'usurpation, contrefaçon, contrebande, qui vont être vraiment la mécanique qui va surtout se développer au 19e siècle, qui va conduire aux appellations d'origine en 1919. Sous l'Ancien Régime, finalement, tout est très souple. On peut faire des jambons façon de Bayonne à Paris et ils sont considérés comme très bons. C'est les savoir-faire qui comptent. Peu à peu, notamment début 19e siècle, il y a une première loi en 1824 sur l'altération des noms de lieux. On commence à considérer, même si elle porte pas directement sur l'alimentation, que on doit pas usurper les dénominations. Et puis, on va avoir des conflits judiciaires. Mais parce que derrière, il y a des opportunités économiques. Chacun va vouloir revendiquer d'être le seul à pouvoir faire tel ou tel produit à tel endroit. Et donc, ces conflits judiciaires, bien étudiés notamment pour le vin au 19e siècle par Alessandro Stanziani, vont se développer tout au long du 19e siècle pour aboutir à la nécessité en 1919 de la loi sur les appellations d'origine, qui est finalement plus l'aboutissement de ce qui se passe auparavant, plus qu'une création. Et là, on entre dans un processus qui est celui de la loi, qui va définir l'origine. Et c'est très intéressant de constater que la première appellation d'origine, en 1925, c'est le Roquefort. Et le Roquefort, c'est le produit que j'ai pu saisir au XVIIIe siècle, le produit comme étant le plus réputé, le plus identifié. Donc on a finalement une continuité qui se met en place. Oui, parce que j'allais vous poser la question justement de la hiérarchie de ces produits les plus recherchés. Le fromage, notamment le Roquefort. Parce que la France, avec ses fromages qui sont alors spécifiquement liés à des lieux, ça c'est notre identité. On va retrouver la même chose avec le vin. Pour d'autres, c'est moins évident. Pourquoi les prunes ici? Pourquoi les pâtés là? Tout le monde peut faire du pâté. C'est un peu pareil pour le beurre, pour le nord de la France. Il y a comme l'idée que ça se fige, en fait. On sent que, comme un peu une cuisse de canard dans la graisse quand elle est confite, les appellations se figent. Oui, on est dans ce processus-là et apparaissent donc les cahiers des charges dont on parlait tout à l'heure, qui vont faire finalement que la production doit se faire de cette manière-là. Au XVIIIe siècle, le jambon de Bayonne, on retrouve des recettes de préparation à la façon de Bayonne, il peut être cuit. Donc on est très loin de la préparation actuelle. On perd cette souplesse, mais cette souplesse, elle était caractéristique d'une économie pré-industrielle, d'ancien régime finalement, où il y avait une adaptation à la demande, il n'y avait pas une normalisation par la loi. On est dans cette période de transformation, cet âge du commerce finalement, où les marchands veulent effectivement un certain nombre de règles, mais ils veulent garder une marge de manœuvre. Et les appellations d'origine, qui sont finalement aussi critiquées actuellement, contribuent un petit peu à figer les choses, alors qu'il faut bien le rappeler que ces produits, ils ont une histoire, ils sont donc vivants et peuvent évoluer le cas échéant. Certains sont aujourd'hui très connus toujours et sont des appellations d'origine. D'autres, comme le Cotignac d'Orléans ou d'autres produits, ou les vins de Cap-Breton, aujourd'hui ont quasiment disparu ou en tout cas sont beaucoup moins connus. Donc ils sont des objets d'histoire parce qu'ils évoluent. Nous avons évoqué en filigrane les sources que vous pouvez utiliser l'un et l'autre pour identifier ces produits d'origine qui arrivent jusqu'au consommateur. Y a-t-il le chemin inverse? C'est-à-dire, y a-t-il des consommateurs qui se rendent dans une région et qui doivent absolument manger la spécialité du coin? Alors, on le perçoit très bien, et on parlait des sources à travers les récits de voyage. Les récits de voyage au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, on a quasiment des passages obligés où si on est à Bayonne, il faut évoquer le chocolat ou le jambon. Si on est en Provence, il faut parler de l'huile. Et on voit bien que y a un phénomène qui va venir aussi, on parlait du chemin de fer, mais aussi un autre phénomène qui va transformer les choses, c'est le tourisme. C'est-à-dire que là, on entre au moment où le consommateur va aller à la rencontre sur les territoires des différents produits. Et là, ça change complètement la donne, parce que là, il va pouvoir accéder à des produits frais. Il va surtout pouvoir accéder à des recettes, à des plats préparés, et non plus simplement des produits de conserve qui allaient vers lui. Mais ça, c'est cette histoire du 19e siècle, du tourisme, et surtout au 20e siècle, le tourisme automobile. Et l'apparition du guide Michelin, c'est ce tourisme automobile où là, l'amateur, le connaisseur, se déplace pour rencontrer le produit à la rencontre de la spécialité, mais sur les lieux. Voilà, comme ça on boit le vin de Bordeaux à Bordeaux, où vous enseignez, Philippe Mézy, et on mange, je sais pas moi, tellement de bonnes choses, du camembert, des tripes et du beurre d'Isigny à l'université de Caen, où vous enseignez, Fabrice Poncet. Merci à tous les deux pour ce panorama qui donne faim, il n'y a pas à dire. L'unique et le véritable, réputation, origine et marchés alimentaires, c'est publié chez Chamballon, hein, Philippe Mézy. Et les beurres d'Isigny, bien au pluriel, parce qu'il y a plein de types de beurre, aux origines des Normandies de laitière. Merci beaucoup, Fabrice Poncet. Il est temps de continuer de savourer la journée avec Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi la prison de Montluc est devenue un enjeu de mémoire? L'historien qui étudie des questions placées à la une de l'actualité est fréquemment confronté à des polémiques mémorielles qu'on lui demande d'arbitrer. Dans un monde médiatique où il faut se présenter comme une victime pour attirer l'attention, il est de plus en plus difficile d'échapper à ce que Marc Bloch appelait la manie du jugement. Et les recherches qui n'alimentent pas cette manie ont rarement les faveurs des commentateurs. C'est ce qui m'a incité à consacrer ma chronique d'aujourd'hui au livre de Marc André intitulé « Une prison pour mémoire ». Il a pour objet l'histoire de la prison militaire de Montluc, située dans le 3e arrondissement de Lyon. Construite en 1921, elle est devenue l'un des principaux lieux de détention sous le régime de Vichy, puis fut réquisitionnée par l'occupant nazi à partir de janvier 1943. Des milliers de résistants, d'otages et de victimes de la législation antisémite furent incarcérés à Montluc et beaucoup d'entre eux furent ensuite fusillés, comme ce fut le cas pour Jean Moulin, ou déportés dans les camps de la mort, comme ce fut le cas pour les enfants d'Izieux. Mais la prison de Montluc fut aussi un lieu d'incarcération pour d'autres groupes de victimes, notamment pour les Algériens qui combattirent dans les mouvements de libération nationale. 11 d'entre eux furent condamnés à mort et guillotinés entre février 1960 et janvier 1961. Dans son livre, Marc André retrace minutieusement ses expériences carcérales pour tenter de comprendre pourquoi des mémoires traumatiques multiples, enracinées dans un même lieu, ont été mises en concurrence au début des années 2000, quand la prison de Montluc est devenue un lieu de mémoire officiel. Centrée sur la période de l'occupation allemande, cette initiative mémorielle a occulté les victimes de la guerre d'Algérie, ce qui a alimenté de vives polémiques entre les représentants des anciens condamnés à mort algériens et les représentants des anciennes victimes de Vichy et du nazisme. L'un des apports essentiels du livre de Marc André est de montrer le décalage entre ces discours mémoriels concurrents et l'expérience vécue des acteurs de ces époques. Dès la libération de la prison de Montluc, le 24 août 1944, dépassant les clivages temporels, nationaux, religieux ou politiques, des voix se sont élevées pour faire des commémorations un outil de lutte contre toutes les formes de répression. Parmi les nombreux exemples que cite cet historien, j'ai retenu celui d'un militant communiste enfermé pour avoir critiqué la guerre d'Indochine dans la cellule où il avait déjà été détenu sous Vichy. Le même idéal universaliste explique que des victimes de Klaus Barbie, qui fut le chef de la Gestapo dans la région lyonnaise, se soient mobilisées pour défendre des Algériens raflés, torturés et finalement guillotinés. Marc André ne se fait le porte-parole d'aucune mémoire collective. Il souligne les limites et les failles de chacune d'entre elles en montrant comment se construisent les revendications mémorielles dans notre société. Sans doute est-ce là la meilleure manière d'honorer la mémoire de Marc Bloch, qui fut lui-même incarcéré à Montluc avant d'être assassiné par la Gestapo le 16 juin 1944. Merci beaucoup, Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par une équipe qui sait ce que veut dire se nourrir et se nourrir de qualité. Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Coppet, Violette Ruiz, Mayouen Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à savourer, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.